des palmes, du canard, patauge dans la mare, dans la direction des morceaux de pain. Et son copain nanar qu'on surnomme Bernard, et son invité pour le grand festin. Les passants réjouis devant ce pique-nique sympa se retoussent la main et partagent leur repas. Les palmes du canard pataugent dans la mare, dans la direction des morceaux de pain. Le chat de la mère Michel remonte ses bretelles avant de fouiller dans sa tabatière. Il prépare des cocktails tout l'été aux Seychelles, alors que Malbrook s'en va en guerre. Les clients sont séduits par ce barman moustachu. Il lui offre un Gremlin Grey Bean, c'est un cocktail bien péchu. Les palmes du canard pataugent dans la mare,